Chapitre 17e. Un homme élégant, encore jeune, distingué de physionomie et de manière, après s'être promené quelque temps sur le boulevard des Italiens, consulte sa montre pour la 10e fois de la soirée, entre au passage de l'opéra et achète une rose et une branche de lilas blanc, traverse les boulevards, prend la rue de Grammont, gravit à la hâte 3 étages et pénètre dans un salon où une femme des plus charmantes lui sourit et lui tend la main. Quelques instants après, un autre homme, petit, grêle, chétif, se glisse tristement dans la même maison et gravit un escalier de service en stationnant sur chaque marche pour voir si personne ne descend à sa rencontre ou ne monte derrière lui. Arrivé au 3e étage, il ouvre doucement une porte qu'il referme sans bruit. Il s'avance pas à pas, sur la pointe du pied, dans un petit corridor obscur, et s'arrête devant une autre porte dont le panneau supérieur, en verre dépoli, ne laisse passer qu'un jour douteux. Alors il s'accroupit par terre, il cherche dans la vitre le point le plus lumineux, celui où le verre a été ramené à sa transparence première. Il ne tarde pas à le trouver et regarde avec attention. Un grand feu de bois qui flambe joyeusement de la cheminée et une lampe placée sur une table éclaire le salon. Savary occupe le canapé qui fait face à la porte vitrée. Julia est assise à ses côtés. Elle est toujours en grand deuil. Cependant, si l'on considère attentivement certains détails de sa toilette, ce deuil est moins sévère qu'autrefois. La robe, au lieu d'être montante, est un peu décolletée. Une dentelle noire recouvre les épaules à l'endroit où le crêpe s'arrête. Les beaux cheveux noirs de Julia sont arrangés avec coquetterie. Une branche de lilas est artistement mêlée à ses cheveux sur le côté gauche de la tête. Une rose s'épanouit à son corsage. Certains légers changements se remarquent aussi dans les allures et la physionomie de Madame Vidal. Il y a, dans sa démarche, quelque chose de plus moelleux, de plus cadencé, de plus voluptueux pour ainsi dire qu'autrefois. Son regard est moins vif, il a moins d'éclat, mais il est plus tendre, plus humide. Sur le visage est répandue une certaine animation, et les joues sont moins pâles, on voit le sang circuler sous la peau. « Dois-je vous croire aveuglément ?» dit Julia, en continuant une conversation commencée avec Savary. « Puis-je ajouter foi à tous vos serments ?»« Les hommes n'ont-ils pas pour principe que les engagements pris avec nous ne sauraient compter ? Ne sommes-nous pas faites pour être trompés ? Oh, ne m'interrompez pas ! Je sais ce que je dis. J'ai été témoin de plus d'une trahison. On épouse une jeune fille pure, honnête, confiante. Elle ne vous demande pas compte de votre passé, mais elle veut que le présent lui appartienne, n'appartienne qu'à elle seule. Elle exige une fidélité égale à la sienne, un amour dévoué, absolu comme le sien. Dans son innocence, sa foi naïve, son honnêteté, elle ne pense pas qu'il puisse en être autrement. Aucun doute, aucun soupçon ne lui vient à l'esprit. Songera-t-elle à tromper celui qu'elle aime ? Jamais. La pensée d'être un instant coquette avec un autre homme l'effleure-t-elle seulement ? Non, c'est impossible. Et pendant qu'elle se conserve ainsi fidèle et pure, même par la pensée, l'homme en qui repose toutes ses croyances, à qui elle s'est donnée tout entière sans restriction, rencontre par hasard une créature plus ou moins séduisante, la regarde, la suit et ne craint pas de trahir dans ses bras la foi jurée à une autre. « À une autre qu'il n'aimait pas, » dit Savary. « Pourquoi mentait-il alors ? Pourquoi disait-il l'aimer ? Il le croyait peut-être. » Certains hommes vivent d'une façon si calme et si tranquille, se complaisent dans une si douce quiétude et sont par tempérament et par nature tellement à l'abri des passions qu'il leur arrive de se faire illusion sur l'état de leur cœur. Parce qu'il bat un peu plus vite et que leur pensée a parfois plaisir à se reporter vers une personne préférée, ils s'imaginent être amoureux et ils le crient par-dessus les toits. « Insensé !» continua Savary avec feu. « Avez-vous bien le droit de parler ainsi ?» de profaner à ce point un sentiment qui vous est inconnu. Mais l'amour à l'eau de rose que vous éprouvez ressemble à l'autre, au vrai, comme ce feu qui nous éclaire ressemble au soleil. Vous n'êtes fait que pour apprécier les mignardises, les enfantillages, les gentillesses de l'amour. Vous ne connaîtrez jamais les bonheurs infinis, les douleurs sans nombre, les jouissances surhumaines, les souffrances intolérables qui font que sur la terre, on vit tout à la fois dans l'enfer et dans le ciel. » Une animation extraordinaire était répandue sur le visage de Savary pendant qu'il parlait ainsi. Son front resplendissait, ses yeux étincelaient, il y avait dans sa voix d'irrésistibles séductions. Julien ne pouvait se défendre d'admirer cette mâle beauté à laquelle une distinction toute féminine venait prêter un charme de plus. Elle ne s'apercevait pas que tout en parlant, et sans y prendre garde lui-même, Savary s'était rapproché d'elle, que ses genoux frôlaient sa robe, qu'une de ses mains s'appuyait sur les siennes. La flamme du foyer animait cette scène de ses vaillantes clartés. La lampe jetait autour d'elle une lumière douteuse. La rose et la branche de lilas que Julien portait sur elle répandaient dans l'air un enivrant parfum. De l'autre côté de la porte vitrée, en face du canapé, Bibert, toujours silencieux, toujours accroupi, écoutait, regardait et souffrait. Lui aussi admirait Savary. Il aurait voulu le tuer, mais il était forcé de reconnaître qu'il était vraiment beau et qu'il s'exprimait bien. Savary reprit la parole. « Oui, s'écria-t-il, l'homme qui trompe la femme qu'il y aimait n'aime pas cette femme. S'il l'aimait, il n'aurait de regard de pensée que pour elle. Les plus belles créatures, sorties des mains de Dieu, pourraient tourbillonner autour de lui, l'enlacer de leurs bras, l'imprégner de leur souffle, elles ne le tenteraient même pas. Le monde, pour lui, commencerait et finirait avec cette femme. Auprès d'elle, il oublierait le passé, l'avenir, les piqûres de chaque jour, les difficultés de la vie, les souffrances d'amour-propre et les déboires quotidiens. Le remords même, le remords, qu'on dit si implacable, ne pourrait l'atteindre et le détourner de songer à celle qu'il aime. « Ah !» continua Savary, « ne vous étonnez pas de m'entendre parler ainsi. Ma première jeunesse, si légèrement dépensée, ne me laissait pas pressentir à moi-même que je pourrais un jour m'exprimer de la sorte. Mais la grâce m'a touché depuis que je vous ai vu. Je comprends maintenant la passion dans ce qu'elle a de plus exalté, de plus naïf, de plus violent et de plus vrai. Je vous aime de toutes les forces de mon être. Je vous aime à en perdre la raison. Ayez pitié de moi. Je me meurs de vous voir et de ne pas oser vous presser sur mon cœur. J'ai auprès de vous des timidités d'enfant. Et cependant, mon sang bouillonne, ma tête est en feu, mille transports m'agitent. De grâce, laissez-vous attendrir, décidez de mon sort. Faut-il mourir? Faut-il espérer? Espère! Cria tout à coup Julia. Et avec cette fougue italienne que nous lui connaissons, cette furia contenue depuis si longtemps, elle l'enlaça de ses bras. Leurs lèvres se rencontrèrent. En même temps, de l'autre côté de la porte vitrée, un cri retentit. Julia et Savary ne l'entendirent même pas. Au cri succéda le bruit d'une porte qui se fermait violemment. Bibert fuyait. Il arriva dans la rue et il hésita sur ce qu'il allait faire. Tout à coup, haletant et perdu, il prit sa course. Il traversa les boulevards, suivit la rue Thébou, la rue du Houssaye, qui faisait alors suite à la rue Thébou et la rue des Trois Frères. Il s'arrêta devant une maison, sonna d'une main frémissante, passa devant le concierge en lui jetant un nom et gravit deux étages. Il était alors 11 heures. Soleil couchant venait de mettre à la porte son jeune Anglais qui lui portait ce soir-là sur les nerfs. « Tiens, s'écria-t-elle en apercevant Bibert, vous, une pareille heure. »« Tu m'as offert ton amour, » répondit-il d'une voix brève, « je l'accepte. »« Je n'ai qu'une parole, sois le bienvenu, » dit-elle. Alors, avec une brusquerie extrême, il l'attira vers lui, lui prit la tête, la regarda dans les yeux, mais tout à coup la repoussant, « Non, non, ce n'est pas son regard, ce n'est pas elle, je ne veux pas, adieu. » Ce n'était pas la peine de venir, dit Soleil couchant, en le voyant s'éloigner. « Il faut avouer, ajouta-t-elle en soupirant, que c'est un fier original. »